voyais maintenant avec ma coupe et mes vêtements. Tu ne me reconnaîtrais pas, même si tu te souvenais de moi. Nos secrets, nos confidences, je deviens mélancolique et pour un soir me trouve alcoolique. Depuis ce temps, tu as changé. Peut-être un fiancé, ou même es-tu marié avec l'homme que tu espérais.